C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui un matin d'été a décidé de partir. Il a vraiment tout plaqué, voulant faire de ses rêves son véritable avenir. Le temps de le dire, il était déjà sur la route qui mène à son bonheur. Soulagé de ne plus avoir affaire à tout ce dont il avait horreur. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayant de s'en convaincre. Mais on ne peut détourner son destin qu'un instant. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayant de s'en convaincre. Mais on ne peut détourner son destin qu'un instant, et ensuite il revient. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui, une soirée d'hiver, a décidé de revenir. Malheureux d'abandonner ses rêves et condamné à tout se reconstruire. Le temps de le dire, il était déjà sur la route qui mène à Zinfinière. Triste et forcé de se rendre à l'évidence que sa vie allait être un enfer. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayons de s'en convaincre. Mais on peut détourner son destin qu'un instant. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayons de s'en convaincre. Mais on peut détourner son destin qu'un instant, et ensuite il revient. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui un jour comme les autres a décidé de mourir. Il avait pourtant des rêves, mais ils se sont éteints, donc il veut en finir. Le temps de le dire, il était déjà sur la route qui mène aux infirmières. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui face à son destin ne pourra jamais rien faire. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui face à son destin ne pourra jamais rien faire. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayons de s'en convaincre. Mais on peut détourner son destin qu'un instant. Qui ne tente rien n'a rien, se disait souvent, essayons de s'en convaincre. Mais on ne peut détourner son destin qu'un instant, et ensuite il revient. Merci beaucoup.